Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus simple que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Auditeurs, nous venons de voir que plus de trois mois à l'avance, les deux redoutables prophètes de Jéhovah Yahvé avaient annoncé la pluie qui viendrait au Pérou. Le Dieu Tout-Puissant le leur avait montré. Il savait qu'il allait pleuvoir au Pérou. Il le savait. Il savait que ce serait en plein air. Malgré que ceci n'avait pas été prévu, que ce soit en plein air, ce jour-là, ce jour du service de guérison, ce dernier jour où la pluie est arrivée dans une ville tellement sèche, dans une ville où il ne pleut jamais. C'est une rivière qui amène l'eau, et même peu d'eau. Dans cette grande ville, qui est la deuxième pour le climat sec, peu de pluie. Et les deux prophètes redoutables du Seigneur Yahvé ont prophétisé plus de 15 fois. Et voyons maintenant encore ce qui s'est passé à Lima, Pérou, lors du service de guérison le 28 octobre 2018. Voyons la prophétie numéro 8. La huitième prophétie concernant la visitation. La visitation que nous avons vue le 28 octobre de l'an 2018. Cette prophétie a été donnée le 14 septembre. The Lord Jehovah has spoken with me this afternoon. Le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi cet après-midi. About 2 hours ago, the Lord Jehovah, he slayed me here. Il y a environ 2 heures, le Seigneur Jéhovah, il m'a endormi ici. And then he took 2 of his servants to Peru. Et ensuite, il a emmené 2 de ses serviteurs au Pérou. The Lord showed me it already. Le Seigneur m'a déjà montré le rassemblement. The Lord took me into the meetings to show me the meetings. Le Seigneur m'a emmené au rassemblement pour me montrer le rassemblement. And how there's going to be a visitation. Heaven is prepared to visit Peru. Et comment il va y avoir une visitation? Les cieux se sont préparés à visiter le Pérou. And there is something very special about that nation. Et il y a quelque chose de très spécial à propos de cette nation that the Lord wants to bring out. Que le Seigneur aimerait mettre en évidence. So there's going to be a big visitation in Lima, Peru. Ainsi, ça va être une grande visitation à Lima, Pérou. The heavenly envoy, all the envoys are now. Les envoyés célestes, tous les envoyés sont maintenant focused on the visitation that's taking place in Peru. Concentrés sur la visitation qui a lieu au Pérou. But there is something about the visitation in Lima, Peru. Il y a quelque chose sur la visitation à Lima, Pérou. In the nation of Peru that has touched the heart of God. Et la nation du Pérou qui a touché le cœur de Dieu. That the Lord has come full for come out all. Le Seigneur désire par-dessus tout to visit the nation of Peru. Visiter la nation du Pérou. So now the Lord is preparing for a grand visitation, grand mega visitation in Peru. Ainsi maintenant, le Seigneur se prépare pour une grande méga visitation au Pérou. Les 2 extraordinaires prophètes de Jéhovah Yahvé sont venus sur les ondes juste là, à la radio. Jésus is Lord, ça veut dire Jésus est Seigneur. Jésus is Lord, le nom de la radio. Et ils ont amené la grande méga visitation des cieux à Lima, Pérou. Nous ne savions pas ce que cela voulait dire. Le 28 octobre, nous avons vu la grande méga visitation des cieux et ils ont dit: il va y avoir une grande méga visitation. Il va y avoir une grande méga visitation. Les cieux se sont préparés. Tous les envoyés des cieux sont concentrés sur Lima, Pérou. Et le Seigneur vient dans une grande méga visitation. Et la grande méga visitation, c'était en effet le 28 octobre 2018. Peuple bien-aimé, le 16 septembre 2018, les 2 extraordinaires prophètes du Seigneur Yahvé ont été sur les ondes, juste là, à la radio Jésus is Lord. Encore à nouveau, écoutez cette prophétie du 16 septembre 2018. There is going to be a tremendous visitation in Lima, Peru. Il va y avoir une visitation extraordinaire à Lima, Pérou. There is a big visitation. There is open heaven there. Il y a une grande visitation des cieux ouverts là-bas. There is going to be a big monumental visitation take place in Lima, Peru, beloved people. Il va y avoir une visitation grande et monumentale qui aura lieu à Lima, Pérou, peuple bien-aimé. I see that there's going to be a humongous visitation in Lima, Peru. Je vois qu'il va y avoir une immense visitation à Lima, Pérou. There is going to be a visitation in Lima, Peru. Il va y avoir une visitation à Lima, Pérou. Peuple bien-aimé, le 16 septembre, les deux prophètes extraordinaires du Seigneur maintenant décrivent la nature de la visitation. Elle va être grande, monumentale, énorme. Peuple bien-aimé, la 10e prophétie qui a parlé de la visitation historique que nous avons vue le 28 octobre 2018, cette 10e prophétie date du 18 octobre. Écoutez et entendez cela. Absolument très très choquant, peuple bien-aimé. Le 18 octobre, les deux extraordinaires prophètes du Seigneur, Yahvé, décrivent la visitation du Seigneur à l'Antalima. Et pour cette fois, toutes les nations de la terre, les gens craindront le Seigneur. Écoutons cela encore une fois. Il va faire exploser leur réveil. Et ce 18 octobre 2018, les deux extraordinaires prophètes du Seigneur annoncent que le Seigneur Yahvé fera de grandes choses pour qu'il puisse être craint. Pour qu'il puisse être craint, le Seigneur Yahvé fera de grandes choses. Pour qu'il puisse être craint par les nations de la terre, par les gens, tous les gens. Et quand cela arrivera, nous saurons que le temps est passé et que le Messie vient. Le message qui nous a été laissé là, le 18 octobre 2018, lorsque cela arrive, nous devons craindre le Seigneur. Et aussi, le temps est passé, le Messie vient. C'était le 18 octobre 2018. Et le 24 octobre 2018, les deux extraordinaires prophètes du Seigneur étaient déjà à Lima, Pérou. Les membres de la presse les attendaient. Les stations de radio, y compris les directeurs des stations de radio et aussi des stations de télévision. Peuple bien-aimé, ils ont demandé aux deux extraordinaires prophètes du Seigneur, « Quelles sont les prévisions que vous avez pour nous ? Quelle est l'attente que vous avez pour nous ? Comme vous êtes venus au Pérou, que voyez-vous venir sur le Pérou ?» Et les deux extraordinaires prophètes du Seigneur leur ont répondu, le 24 octobre 2018, aux membres de la conférence de presse, il leur a répondu, « J'ai parlé beaucoup, environ 4 fois, de cette saison, de ce week-end ici. Le Seigneur désire faire de grandes choses. Il va y avoir une visitation. » Pendant le rassemblement, je vois que le Seigneur désire répondre d'une manière plus précise. Je vois que le Seigneur désire ouvrir les cieux sur ce pays. Je vois, c'est toujours les deux prophètes redoutables du Seigneur Yahvé, je vois que le Seigneur désire ouvrir les cieux ici et il va déverser sa gloire, la dernière pluie de la gloire de Dieu. Est-ce que ce pays est prêt ? Pour la visitation de Dieu, préparez le chemin pour la glorieuse venue du Messie. Voilà l'exhortation de l'homme de Dieu. Le 24 octobre de l'an 2018, pendant la conférence de presse à Lima, Pérou, et les deux prophètes du Seigneur ont dit aux membres de la presse réunis qu'il y aura une visitation spécialement dans le rassemblement. Et que le Seigneur désire ouvrir les cieux sur le Pérou. Et il leur a demandé, est-ce que cette nation est prête pour la visitation? Êtes-vous prêts pour la visitation? Et il leur a demandé de préparer le chemin pour la glorieuse venue du Messie. C'était le 24 octobre 2018, la 11e prophétie qui a été donnée. À propos de ce rassemblement, de cette visitation redoutable que nous avons vue le 28 octobre 2018 et le 26 octobre. Les deux extraordinaires prophètes du Seigneur étaient à Lima, Pérou, pour la conférence de pasteurs et ministres de l'Évangile, qui était aussi diffusée sur les ondes de la radio Jésus is Lord et diffusée aussi en vidéo au niveau mondial pendant cette conférence. Voilà ce qu'ils ont dit. La visitation qui vient va être extraordinaire. It's going to be open heavens here. Il va y avoir des cieux ouverts ici. Alléluia. Alléluia. The Lord is going to open heaven here. Le Seigneur va ouvrir les cieux ici. So it's going to be a tremendous visitation. Ainsi, il va y avoir une visitation extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire et choquant, peuple bien-aimé. Et ce jour particulier du 26 octobre 2018, lorsque les deux extraordinaires prophètes du Seigneur annonçaient l'ouverture des cieux qui doit avoir lieu, le Seigneur, en d'autres termes, doit ouvrir les cieux ici, dans une visitation extraordinaire du Seigneur. Et le Seigneur va ouvrir les cieux, et il doit ouvrir les cieux. Et en ce moment, il est dans la ville de Lima, qui est vraiment une ville de désert, une ville située entre l'océan Pacifique et la cordillère des Andes, dans une bande de désert. Et il n'y avait aucun signe de pluie. C'est au milieu d'une période sèche, un temps sec dans la saison de l'année, mais annoncé que les cieux vont s'ouvrir ici le 26 octobre de l'an 2018 pendant la conférence de pasteurs et de ministres de l'Évangile qui était rapportée en direct au niveau mondial. Maintenant, le 27 octobre 2018, les deux redoutables prophètes du Seigneur arrivent au service de guérison. Le premier jour du service de guérison. Écoutons la prophétie qu'ils ont donnée. Extraordinaire et très très choquant, peuple bien-aimé. Puissant, puissant, debout au milieu de la ville de Lima, Pérou. Les deux extraordinaires prophètes du Seigneur arrivent au rassemblement. Au service de guérison, sur le terrain ouvert dont ils ont parlé le 3 août 2018, plus de 2 mois auparavant, ils ont tout de suite pris le micro et ont commencé à annoncer qu'ils voyaient de la pluie au milieu de la sécheresse, au milieu d'une saison sèche, et ils annoncent que la pluie tombe. La pluie tombe sur lui, il est si heureux. L'homme de Dieu, les deux prophètes redoutables du Seigneur Yahvé, très conscients qu'il n'y avait pas de pluie. Vous pouvez imaginer comment ça résonnait au milieu de Lima, Pérou. Et les prévisions n'annonçaient pas de pluie. Et là, il disait, « Je vois de la pluie tombe sur moi !» Et il disait même les ponts. Ils ont dit qu'ils voyaient de la pluie, des gouttes, et cette pluie tombe sur eux. Ils ont dit qu'ils voient les cieux ouverts. Choquant, le 27 octobre de l'an 2018, pendant le premier jour du service de guérison, ce samedi 27 octobre 2018, ensuite est venu le jour Ij, où tout doit bien aller. Maintenant, ces prophéties, toutes ces prophéties doivent être accomplies. Le 28 octobre de l'an 2018, le jour que nous n'oublierons pas, les deux extraordinaires prophètes du Seigneur sont arrivés au service de guérison. Et dans une autre prophétie que nous allons vous amener, ils ont dit que cette visitation aura lieu le dernier jour, pas le premier jour du service de guérison, mais le dernier jour, alors qu'ils se préparent à partir, le dernier jour. Allons tout de suite à la très très étonnante prophétie du Seigneur qui nous parle de la visitation étonnante que nous avons vue. Le 28 octobre de l'an 2018, à Lima, Pérou. Peuple bien-aimé, avant la visitation qui a eu lieu à Lima, Pérou, les deux prophètes du Seigneur Yahvé ont été sur les ondes plus de 10 fois concernant la visitation massive qui aura lieu là-bas. Voyons maintenant la prophétie qui a été donnée le 28 octobre, le jour où la pluie est venue. Écoutons ce que les deux prophètes redoutables du Seigneur Yahvé disent ce jour-là, ce 28 octobre 2018. Ils disent « Alléluia, je vois les cieux ouverts ici aujourd'hui, les cieux vont s'ouvrir ici aujourd'hui, ainsi adorons avec ce chant, avec pouvoir et louange au Seigneur, je vois de la rosée ici ». Il va y avoir une visitation ici. Combien sont prêts pour une visitation? Une visitation historique. Les deux prophètes redoutables du Seigneur Yahvé disent « Alléluia ! Ainsi à cet endroit, il y aura une visitation. Combien sont prêts pour une visitation? Alléluia ! Applaudissons le Seigneur. Il en est digne. Digne de notre adoration. » Ils annoncent qu'il y aura des cieux ouverts à Lima, Pérou. Avant le service de guérison, dans la prière, ils disent que le Seigneur donnera la pluie. Ils ont parlé au Seigneur ouvertement, en public. Écoutez. Father, tonight, Padre, en esta noche, I stand before your mighty counsel, Jehovah. Yo me paro delante de tu poderoso consejo, Jehovah. And ask you, my Father, y te pido, mi Padre, to open heaven here tonight, abrir los cielos aquí en esta noche, today, hoy, and bring rain here, y traiga lluvia acá, in the mighty name of Jesus, en el poderoso nombre de Jesús. And Lord, you have spoken about the dew that is on the leaves. Y Señor, tú has hablado del rocío que está sobre las hojas. The dew of heaven in this place. El rocío celestial en este lugar. I now welcome you, my Father. Ahora te doy bienvenida, mi Padre. To open heaven here. Abrir los cielos acá. This nation of Peru. Esta nación de Perú. May be revived. Sea avivada. With full power of the Holy Spirit. Con completo poder del Espíritu Santo. In the mighty name of Jesus. En el poderoso nombre de Jesús. What is going on? ¿Qué está pasando? What is going on here? ¿Qué está pasando aquí? Somebody share with me. Compártelo conmigo. What is that? Aleluya. Aleluya. Aleluya. Look at that. Mira esto. This is incredible. Es increíble. Lord, welcome here, Lord. Señor, bienvenido aquí, Señor. We are waiting for you to open heaven here. Estamos esperando que abra los cielos acá. Small drops of rain. Small drops of rain are falling on me. Lluvia. Rain is falling on me. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Lluvia, gota de lluvia está cayendo sobre mí. Gota de lluvia, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Rain is falling, está cayendo lluvia. Rain is falling, está cayendo lluvia. Heaven is open, los cielos están abiertos. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Rain is falling. La lluvia está cayendo. Drops of rain. Gota de lluvia. They are falling on me. Están cayendo sobre mí. Drops of rain. Gotas de lluvia. Are falling on me. Están cayendo sobre mí. drops of rain. Gotas de lluvia. Hallelujah. Otra es otra. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Look, they're falling on me. Están cayendo sobre mí. Drops of rain. Gotas de lluvia. Hey. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. They are falling on me still. Están cayendo sobre mi corazón. A mí me cayó la gota de la lluvia de Cristo que cayó. Drops of rain are still falling on me too. Still falling on you. Todavía están. Aleluya. Aleluya. Très extraordinaire et choquant, peuple bien-aimé. Et dans cette prière, vous entendez les deux prophètes du Seigneur parler au Seigneur directement et parler au Père et dire au Père Jéhovah Yahvé qu'il se tienne maintenant, qu'il se tienne devant le puissant conseil des cieux. Et je te demande, mon Père, seulement ça. C'est très choquant. Numéro 2, vous entendez qu'il demande à Dieu le Père d'ouvrir les cieux sur Lima, Pérou. Et ils ne disent pas n'importe quel jour, quand tu le veux, mais ils disent ici et maintenant, ouvrir les cieux, aujourd'hui, ce soir, au nom puissant de Jésus, et amener de la pluie au nom puissant de Jésus, et amener de la pluie. Ils démarquent le temps, aujourd'hui, maintenant, ce soir. Et ensuite, il demande la visitation du Seigneur sur la nation du Pérou. Et vous entendez la relation redoutable et choquante et implacable. Et ils disent au Seigneur Dieu le Père, ils lui disent, tu es mon un et seul ami. Et ils disent qu'ils n'ont pas d'autre ami sur terre. Maintenant, ils parlent de la conversation qu'ils ont eue ensemble avec le Seigneur. Et le Seigneur a parlé de la rosée sur les feuilles. Et ils vont de l'avant et ils souhaitent la bienvenue au Seigneur Dieu, le Père, pour qu'il ouvre les cieux sur la nation du Pérou. Que cette nation puisse être réveillée. Après cette visitation massive qui, bien sûr, est arrivée, les infirmes se sont levés de leurs chaises roulantes et ont commencé à marcher dans le même rassemblement. Une troisième fois, ils donnent encore la prophétie. Ils annoncent l'ouverture des cieux, mais encore, ils démarquent le temps. Écoutez la prière des deux prophètes redoutables du Seigneur Yahvé. Mon Père, comme nous attendons que tu ouvres les cieux ici, continue de toucher ces gens. Ils prient pour leur guérison, qu'ils soient touchés dans le puissant nom de Jésus. C'est étonnant, peuple bien-aimé. C'était encore pendant le puissant service de guérison, le 28 octobre 2018. Mais comme nous attendons que les cieux s'ouvrent, d'abord touche ces gens. Continue de toucher les gens, parce que quand les cieux s'ouvriront, il n'y aura rien d'autre à fêter, sauf cette merveille la plus grande de la visitation du Seigneur Dieu. En d'autres termes, c'est choquant, peuple bien-aimé, qu'ils aient vraiment démarqué le temps où ça arrivera. Mais d'abord, continue de toucher les gens avant d'ouvrir les cieux. Et ensuite, finalement, les deux extraordinaires prophètes du Seigneur, ils annoncent l'ouverture des cieux, accueillant le Seigneur, souhaitant la bienvenue au Seigneur, qu'il descende et ouvre les cieux. Tout à coup, l'assemblée, les gens commencent à manifester, ils s'agitent et l'homme de Dieu leur demande. Écoutez cette demande choquante. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Que quelqu'un partage avec moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voyez? Alléluia! Alléluia! Alléluia! Voyez ça! C'est bon de voir la gloire. C'est incroyable. Oh! Alors la gloire change. Ces dernières paroles sont les paroles de l'homme de Dieu. Il voit, il découvre un point bleu, une grosse nuée bleue dans le ciel. Les gens manifestent, ils la voient tous. Le moment choquant, quand les cieux se sont ouverts. Et les gens ont commencé à voir l'ouverture des cieux. Choquant, quand ils ont vu la gloire du Seigneur. Et chacun était en mesure de voir le moment où les cieux se sont ouverts. Et la gloire révélée. Et juste après, la pluie, les belles gouttes de pluie ont commencé à tomber. Combien choquant, personne bien-aimée. Combien extraordinaire, combien choquant. Écoutons ce qui se passe en ce moment-là. L'homme de Dieu répète, des gouttes de pluie tombent sur moi. De petites gouttes de pluie tombent sur moi. C'est étonnant, il pleut des saphirs, oui. Certains tombent quelque part. Des gouttes de pluie tombent sur moi. Des gouttes de pluie tombent sur moi. Alléluia, alléluia. La pluie tombe. La pluie tombe. Les yeux sont ouverts. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. La pluie tombe. Des gouttes de pluie, elles tombent sur moi. Des gouttes de pluie tombent sur moi. Des gouttes de pluie. Alléluia. Encore, une autre. Combien sentent la pluie? Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Regardez. Regardez. Elles tombent sur moi. Des gouttes de pluie. Qu'il pleuve maintenant ici. Alléluia. Puissant, je vous le dis. Quel moment. Quel moment. Quel moment. Alléluia. Est-ce que certains d'entre vous ont senti? Il pleut. De la pluie tombe sur mes mains, juste maintenant. Quelqu'un dit, il pleut, ça tombe sur moi. De la pluie tombe sur mes mains, juste maintenant. Des torrents de pluie. Des torrents de bénédiction. De la pluie, voyez, elle tombe, juste. C'est extraordinaire. Le Seigneur a ouvert les cieux ici. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est étonnant. Un moment extraordinaire. C'est étonnant. Il pleut des saphirs, juste, qui tombent quelque part. Il y a une situation ici. Il y a une visitation ici. Il y a une visitation ici. Il pleut des cristaux. Il pleut des cristaux. Il pleut des cristaux. Il pleut des cristaux. Alléluia! Il pleut des cristaux ici. C'est incroyable! Il pleut des cristaux. Alléluia! C'est très puissant. Il pleut ici. Il pleut des cristaux. Il pleut ici. Il pleut des cristaux. Il pleut des cristaux ici. Des gouttes de pluie. Alléluia. C'est extraordinaire. Il pleut des cristaux. Il pleut des cristaux. Au nom de Jésus. Ensuite, pendant le chant, les deux prophètes redoutables du Seigneur Yahvé crient, « Il pleut sur moi! Il pleut sur moi !» C'était l'accomplissement de 1 Roi 18-41. Quand Élie dit à Achab, « Mangez, bois maintenant, car il y a un grondement annonciateur de pluie après 3 ans de sécheresse. » Élie annonce la pluie. Tout comme les deux redoutables prophètes du Seigneur Yahvé ont annoncé la pluie avec une 15aine de prophéties. Ils ont annoncé la pluie dans cette région, dans cette ville si sèche, où il ne pleut presque pas. où personne n'a annoncé la pluie, là, dans cet endroit. Et le Dieu Tout-Puissant a répondu au commandement de l'homme de Dieu. Il a envoyé sa pluie, le soir même. Et l'homme de Dieu a pu dire, comme Élie l'a dit au roi Achab, dans 1 roi 18 verset 41, « Allez manger, car il y a un grondement, annonciateur de pluie !» De même, il a pu dire aux participants, « Allez manger, la pluie vient !» Comme Élie, dans cette situation, le Dieu Tout-Puissant nous a révélé, « Élie, à nouveau, parce que nous savons que plusieurs fois, l'homme de Dieu a appelé la pluie et à l'instant, la pluie est venue. Et cette fois, sur le plan mondial, chacun a pu voir la pluie venir à la parole de l'homme de Dieu. L'Élie qui devait venir pour annoncer la venue du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus vient en gloire chercher son Église. Une Église pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Je lis les deux derniers versets de l'Ancien Testament. Malachie 4, 5 à 6. Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Le Seigneur a promis d'envoyer à nouveau le grand prophète Élie dans les derniers jours pour restaurer toutes choses avant la venue du Messie, avant le grand et redoutable jour de la venue du Messie. Nous voyons qu'il est venu avec l'autorité d'ouvrir ou de fermer les cieux pour amener les enfants d'Israël à revenir au Seigneur. Nous sommes entrés dans cette saison. Combien redoutable! Nous sommes carrément entrés dans cette saison. Et en plus, peuple bien-aimé, nous sommes confrontés aux deux redoutables témoins d'Apocalypse 11. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 11 verset 3 que Dieu promet de leur donner son propre pouvoir aux deux prophètes redoutables. Et ils ont le pouvoir de fermer les cieux pour qu'il ne pleuve pas dans Apocalypse chapitre 11 verset 6. L'autorité d'ouvrir ou de fermer les cieux est bien prononcée dans la tâche qui leur est donnée par les cieux. Ils ont l'autorité et le pouvoir de fermer les cieux ou de les ouvrir. Et nous avons vu à Lima, Pérou, que le Seigneur nous a démontré qu'ils sont ces deux témoins d'Apocalypse 11. Il est l'Élie qui doit venir, l'Élie que le Seigneur a promis, parce que Élie, lui aussi, Élie fermait les cieux. Il a fermé les cieux pendant 3 ans, Élie, et il a pu aussi les ouvrir au moment où il a prié. De même que l'homme de Dieu, quand il prie, le Seigneur agit, il agit au moment, instantanément, juste quand son serviteur prie. Le Dieu Tout-Puissant nous démontre ainsi qu'il est l'Élie qui devait venir, que ces deux témoins sont parmi nous, priant et guérissant les malades, les deux témoins redoutables du Seigneur Yahvé. Adorons le Seigneur. Et ensuite, vous aurez l'occasion de venir à ce Jésus Tout-Puissant qui viendra vous chercher si vous marchez dans l'obéissance et la sanctification. Tout-Puissant. Voyez, précieux auditeurs, que le retour du Seigneur est très proche et c'est si important d'être prêt pour ce jour-là, d'avoir laissé l'orgueil, d'avoir laissé le mensonge, d'avoir laissé l'immoralité sexuelle, de se détourner du péché et de venir à ce Dieu vivant qui nous veut avec lui dans son royaume. Il ne veut pas l'enfer pour nous. Venons à ce grand Dieu, ce Dieu saint, et choisissons-nous aussi la sainteté. Si vous voulez venir à ce Seigneur, le servir, lui obéir, alors vous pouvez prier avec moi. Seigneur Jésus, je veux te servir et t'aimer et t'obéir et laisser le péché. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tout le mal que j'ai fait, Seigneur. Pour l'immoralité sexuelle, je te demande pardon. S'il te plaît, sois mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur pour l'éternité. Écris mon nom dans le livre de vie. Aujourd'hui, je suis née de nouveau. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Et surtout, ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Vous pouvez faire un SMS à cette radio au numéro +254 727 50 30 30. Et choisissez de prendre le baptême. Parce que c'est important de mourir avec Christ, de confesser devant les autres que vous avez choisi votre camp. Vous voulez être avec le Dieu Tout-Puissant. Je m'appelle Pasteur Yvonne Hoguet et je vous remercie d'être resté avec nous pour ce programme. De moi, le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue, je veux naître qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus sain que le sang. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton salon et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur.